toutes ces années désarmées. J'me noie dans l'océan, mais toute une vague déferle. Et j'me bats car j'suis pas du genre à enfiler des perles. J'écoute la voix de mon père quand le doute m'habite. Mais j'te parle pas de ce curé qui monte le bout de sa bite. Ouais, ça te choque comme une droite que t'as pas vu venir. Pire que celle de Marine, dans les urnes se forge à l'avenir. J'avoue j'ai peur, mais c'est sûrement parce que le doute s'installe dans les têtes d'un foyer où le mental est instable. Je nage en marche sans trop savoir où aller, sans tourner la page, fuis la rage de tous mes voiliers. Je déambule sans doute avec un but précis. Fond d'un foyer tranquille sans tu le pressing. Oh, je ressasse le passé pour un meilleur futur. Rectifier les fautes mais faire l'effort de vivre sans point de suture. C'est dur, pas comme ce clochard qui vit sans un sou, sans foi ni toi, mais la peur de mourir complètement fou. On laisse aller les yeux salés en face de l'horizon. Toutes ces années désarmées, on s'est volé pour évoluer en marge de nos visions. On laisse aller. On s'est laissé broyer, percé par nos addictions. Toutes ces années désarmées, espérons qu'il reste de la place sur nos partitions. Au fur et à mesure, pense tes blessures, même s'ils croient que tu fuis. Donc certains se font avoir, essaient de penser, mais qui suis-je? J'écoute, on connaît tous, coup de cœur et secousse. Un sillon de douleur et tristesse, on coule sans même dire au secours. J'ai pas attendu Red Bull pour me sentir pousser des ailes. Parfois j'aimerais m'envoler, ça cause des troubles, certains des zingues. Je rêve aussi les paupières ouvertes, j'essaie de tempérer, de rester zen. Si le malin a misé sur moi, je veux pas qu'il arrive à ses fins. Cette guérilla m'aide à guérir, je mène ce combat contre moi-même. Je te montre que les cons peuvent changer, ne pourrais-tu pas faire pareil? J'essaie de t'ouvrir les yeux quand les miens se ferment, rends-moi là pareil. Donc caresse pas dans le sens du poil quand je pars et partir en paresse. J'aimerais que les choses soient simples et que des âmes s'éclairent. La vie a ses codes et ses clauses en clair. En un éclair, elle peut s'éteindre. Désarmée face à elle, car elle seule connaît ta durée. Elle peut faire s'arrêter les souffles, on respire, prions que ça dure. On laisse aller. On s'est noyé les yeux salés en face de l'horizon. Toutes ces années désarmées, on s'est volé pour évoluer en marge d'une horizon. On laisse aller. On s'est laissé broyer, percé par nos addictions. Toutes ces années désarmées, espérons qu'il reste de la place sur nos partitions. Me laisse aller. J'ai pas pris garde au peu de grain qui me reste dans le sablier. Si tu me regardes, dis-moi que tu vois un peu de bien. J'ai pris un peu de mon père, un peu des miens. Depuis petit peu, tiraillé vers l'enfer, l'ivresse depuis l'enfance. La leçon, j'aime pas quand ces petits vieux veulent me la faire. Ceux qui ont tout vu du haut de leurs petits yeux. Je les laisse aller. Mais je vois clair dans leur petit jeu, dans le petit orgueil de leur petite gueule. J'ai de quoi payer dans mon petit portefeuille. Moi j'ai morflé, j'ai de vrais amis qui m'ont porté, qui m'ont relevé, qui m'ont permis de dormir dans les bras de Morphée. Et c'est de l'or, ça. Mon robinet dans le Sahara, aussi vrai que mon premier amour pour Sarah. J'avance sur le coin de la bouche, le goût de l'arme salée. Je réposte un poster en costard. Laisse aller. On s'est noyé les yeux salés en face de l'horizon. Toutes ces années désarmées,